petit délire de... Ouais, j'aime bien Chanfort. Putain, je perds la voix là. Si c'est la ah, on m'entend ou on m'entend bien? Ouais, ouais. Le goût de la vie qui pourra remplacer. c'est le besoin par l'envie. Travailler ce soir. Partir effacer cette douleur. Attends, j'ai peut-être le début là. Faut que je monte. Il est pas bien le piano là, c'est nul ce piano là. Ouais, j'ai pas la partie de piano. Ah, c'est bien. Oh. Elle est où le début là? Allez, saloperie d'ordinateur. Partir effacer sur le Gange. C'est ça, non? Ça commence ce morceau bizarre. Attends. Ah ouais, c'est là. Si, j'aime bien les Bee Gees, ouais. J'ai pas le début, j'ai pas la fin. Bon, j'arrête. Tu veux des Bee Gees? Je vais voir si j'ai ça. Je crois qu'ils sont presque tous morts. Beatles, Bee Gees.